Adepte typique de l'utopique barricade, du cockpit anti-choc, tu restes statique. Tu zappes les postes et se succèdent sans risque les pubs aux miroites méthodiques, un trafic qu'on se tape sans stop. Sur ta flaque onirique cucu, où tu vogues et divagues au joug sans réplique d'une pègre oblique, tu souhaites te flanquer du hit, du best, du must. Fait que tu zigzagues, tu gigues, tu jappes. Si t'arrêtes quelques minutes, ils évoquent le crack économique et ploquent, ils te slaquent. L'âpre politique équivoque tacte d'éthique à gogo. Il troque l'éthique par la tech bric-à-brac, puisque ce sont ses petits égaux tripes qui lui tractent le troc. Cynique, le Mac passe pour ton pote, mais que t'aies un deck, un bac ou un doc, t'es que sa pute, son deux de pique. C'est que cette époque est une authentique étape de fatras anecdotique, où le top des tactiques, c'est un kit de tact-toc. Addict pathétique du look hit parade mode, des rentes fixes et des 5 à 7 relationships, tu broutes tes chips, peanuts, patates frites, tu mixes les cocktails, te packs de scotch, de vodka, de picrate en boc, à la suite avec tes potes ou tes dates que tu pipes pour la coke et tes dettes et leur date limite. Le vent dans le foc s'applique l'arithmétique où se confisque la cagnotte et se gobe le cash. Les despotes sont tacites et se moquent de tes lips tant que tu raques. Inapte, sur la traque logique de tes drops, tu fréques à l'idée de louper le coche. Tu te dis que si t'abdiques, c'est-à-dire si t'adoptes le pacte en bloc, et que tu t'adaptes sans équivoque, il t'acquitte. Le pont t'accepte aux portiques opaques, te dote d'une traite de cash pour le pique-nique, qui drague la plèbe avec le vox pop des têtes à claques éclectiques. Mais si t'es sceptique, ou si ça te choque, que tu t'objectes, que tu t'agites et que tu piques, stoïque, il te reluque la bête, t'inspecte, puis du tac au tac, devant l'hypothétique échec et mat, il prend ses clics et ses claques et rock. Il fait lock-out, start un blitz, pitch des fax, édicte les tapes. Le mec, y a la touch. Et des flics ad hoc rappliquent, te traque, t'accote, t'asticote. Exact, le chic-shake toque à ta porte, met à sac ton appart et te ship tes chèques. Le caïd de plaque à pic et t'écope les cloques lorsque ça clique de face de dog, en vrac de coups de trique, te matraque ta caboche de plouc dans ta niche. Te claque ton fric dans ton froc. Il est OK quand t'es KO. De strictes strates se frottent. Faudrait peut-être que ces infectes bic tu les rapes à leur shop, que tu sapes leur fabrique à broc, que t'optes pour le fric frac et les ricks, que tu les breaks, les déchoques, les éradiques, les détraques, les pocs, que tu les trappes, les étripes, les stops, puis que tu les piques, que tu les estomacs, les interloques, que tu fixes l'axe juste pile et les boxes, que tu remettes ric-rac en uppercut. Mais le topic du trac, c'est ta spic smart, ta grippe à l'occiput, te croque. Apathique dans ta bicoque à la crique, tu craques. Ton objectif, c'est de te dégoter un ticket pour le jackpot. OK, tu checks les comptes de tes cartes à chic-chic puis t'éclates tes quelques briques pour des clopes. Si le type charismatique t'épate, c'est parce qu'il astique ta narcissique cote d'une rhétorique technocratique. Il t'empiffre de sexe, t'empaque de stéréotypes, te braque de son gros stock statistique, t'emberlificote, t'escroque, te dupe, t'arnaque, et du pit de son crack, dans le luxe de son loft, il traficote un diktat de taxes et d'hypothèques qui t'attaquent des tocs. C'est qu'on te présente une carotte puis tu capotes. Et tic, tac, toc. As-tu lu Martineau au matin? Oui. Tu aimais ça? We'll be right back. et que ça rockait ça. Et pourtant, c'était le Band of the Royal Regiment of Canada qui faisait la pièce Rock Encounter. C'est comme si un orchestre militaire essayait de une performance de rock. Est-ce que c'était réussi? C'est à vous d'en juger. On a aussi entendu Tic-Tac-Toe. C'est un slam de André Marceau. Et Glow Gla-Gla-Gla. Vous l'avez reconnu? C'était le Au Canada et la version très personnelle, très touchante de André Marceau. Le fameux travesti Gilda est décédé cette semaine. Eh bien, il a déjà fait des disques et on va aller écouter ça. La pièce L'homme. Et on va écouter, ça va être un petit bloc comique. Oh là là! Eh bien, pour changer un peu, puisqu'on parle toujours des dames, je voudrais faire une petite exception ce soir. Assistance, pas mal de grandes gueules. Enfin, je veux dire de messieurs. Je voudrais un peu... Oh, faut l'avouer, messieurs. Alors. Je voudrais vous parler un peu, mesdames, de cette race maudite que l'on appelle l'homme. Messieurs, si je parle de vous, je sais ce que je raconte. Car il y a peu de femmes au monde qui peuvent se vanter de connaître ces messieurs comme je les connais. Après tout, messieurs, ne soyez pas hypocrites et n'oubliez pas que ce que vous avez dans votre pantalon, je l'ai dans ma robe. Par conséquent, j'imagine tout de même pas que j'allais dévisser ça tous les soirs et le mettre dans un verre d'eau. Eh bien, mesdemoiselles, pour les demoiselles... car hélas, les demoiselles est un mot qui se perd. Il n'y a plus beaucoup de demoiselles aujourd'hui. Mais enfin, pour si... S'il y avait quelques survivantes ce soir dans l'assistance qui auraient pu s'égarer ici, c'est tâcher de les conserver le plus longtemps possible. Alors écoutez attentivement, mesdemoiselles, voici une chanson qui promet l'homme. Sur cette terre, qu'est-ce qui fera tout votre calvaire? C'est les hommes. Ils prendront tout ce que vous avez. Et qu'est-ce qui va vous rester? Juste un homme. Que d'en avoir un dans son lit, oh les hommes. Vous serez toutes maganées, un beau jour toutes dérichées par les hommes. Ils prennent vos sous, ils vous flanquent des coups, jusqu'à votre chemise. Adieu la cerise, c'est une vraie crise. Oh mes filles, mes petites filles, je la connais cette race-là, c'est pire que le choléra. Oh mes mères, mes petites mères, avec eux c'est certain, vous n'aurez que du chagrin. Oh mes filles, je les connais ces maudits, faut pas leur faire crédit. Oh mes mères, mes petites mères, avec eux, moi je vous le dis, il n'y a jamais de paradis. Elle en croit pas un mot, je me fatigue pour rien. Pauvre trésor, attends de voir ton mari parti en baleine avec une guidouille. C'est vrai, demande à la madame. Attends de voir comme ils s'embrossent quand ils prennent une brosse et qu'ils arrivent cassés. C'est vrai. Attends, trésor, voir comme ils se débattent quand ils font patate et comme ils sont blancs. C'est vrai. Aussi mes petites chéries, si vous prenez Marie, prenez-le. J'en connais un qui va s'y goûter. Comme le monsieur. Nono et branle. Qui, dans le texte d'une chanson, fait des menaces directes sur un ministre du gouvernement, sur Michel Cochin. Puis je vais aller plus loin que ça, là, pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas si ces gens-là, penses-tu qu'on n'a pas de famille, nous? Le Madrid 2.0, je vais y aller au Madrid 2.0, je vais aller manger, ce n'est pas cher, ce n'est pas cher, chez McDonald's, je mange souvent, chez McDonald's, à Sorel, Tracy. Ce matin, il y a prendre connaissance des textes de ce groupe qui s'appelle Mise en demeure. Trouvez-vous ça drôle? Depuis plusieurs mois au Québec, on vit un phénomène qui est inquiétant et qui est triste. Là, c'est le phénomène de la banalisation de la violence et de l'intimidation. Tu étais venu en car. Au cœur du mois d'août, pour chercher un peu d'espoir dans ce monde fou. Au détour d'une prière, dans un amour immense, nos deux mains se rencontrèrent, chantons à l'abondance. Nathalie, mon amour des JMJ, seras-tu cette année au pèlerinage de Chartres? Ne dis pas non, mais si, grâce à qui nos deux vies se détartrent. Dans la halle 127, au stand sur le partage, je t'avais compté fleurette, mais ton cœur était en cage. Comme le père de la paroisse nous avait donné carte blanche, nous on en a profité pour prier comme un dimanche. Mon amour des JMJ, seras-tu cette année au pèlerinage de Chartres? Nathalie, ne dis pas non, mais si, grâce à qui nos deux vies se détartrent. Ça va les garçons? Ouais, c'est bien. Bon, tout le monde peut chanter avec nous, hein. Cette chanson de la page 228 dans vos diapasons rouges. On a parlé comme des fous, de Dieu, d'équitation, de Saint-Nico, du Chardonnay, de voile, de communion. Tu m'as expliqué tes doutes sur tous ces sujets graves, puis tu as repris ta route, tu es loin et j'en bave. Nathalie, mon amour des JMJ, seras-tu cette année au pèlerinage de Chartres? Ne dis pas non, mais si, grâce à qui nos deux vies se détartrent. Nathalie, mon amour des JMJ, seras-tu cette année au pèlerinage de Chartres? Nathalie, ne dis pas non, mais si, grâce à qui nos deux vies se détartrent. Cette année, au pèlerinage de Chartres, Nathalie, ne dis pas non, mais si, grâce à qui nos deux vies se un petit bloc comique en hommage à l'artiste de cabaret Gilda. On a entendu Adalaf et Monsieur D qui faisaient Nathalie, mon amour des JMJ. JMJ étant les Journées mondiales de la jeunesse, les jeunesses chrétiennes, celle qui s'extasie devant une vieille momie de 90 ans. On a entendu Normal Amour chanter le Madrid 2.0. Oui, j'irai au Madrid 2.0. Eh boy. Et on a entendu Gilda qui faisait le sketch L'Homme ainsi qu'une chanson sur l'Homme. Et elle dit, je comprends très bien les hommes, madame, car ce que vous avez dans... Comment est-ce qu'il dit ça? Comment vous avez du pantalon? Moi, je l'ai dans la robe. Alors, voilà ce qui résume Gilda, qui était... qui était quand même quelqu'un, là. Qui est mort, donc, il y a quelques jours. Naissance en France, vie dans la ouate, vie de bourgeois, qui est arrêté par la crise des années 30. Il a dû fuir les SS pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la France occupée. Et il s'est mis à faire du spectacle, à interpréter des rôles féminins. Il y avait beaucoup de succès, notamment il a doublé Miss Tinguette, la grande chanteuse française. Et il a commencé, il s'est rendu, il se promenait partout en Italie, en Afrique du Nord. À un moment donné, il s'est ramassé aux États-Unis et il y a eu l'expiration de son visa de travail aux États-Unis. C'est pour ça qu'il s'est ramassé à Montréal en 1955. Et là, on parle des années 50, donc à l'époque, c'était les clergés catholiques qui avaient mainmise sur tout au Québec. Alors, disons qu'il ne suscitait pas beaucoup d'enthousiasme dans ces milieux-là. Hein. Mais il a connu beaucoup de succès. Et par contre, il a subi la répression policière dans les années 50. Il y avait le maire Jean Drapeau qui faisait une grosse campagne là, contre la moralité, entre gros guillemets. Et ça a causé la fermeture de plusieurs cabarets montréalais. Et ajouté à ça de la télévision, et puis ça a mis la fin à l'époque. En 2010, il a participé, Gilda, à la célébration de la fierté gay. Et les gens étaient extrêmement enthousiastes. C'était le premier travesti à se présenter au Québec dans les années 60. Alors, bravo, Gilda. On va s'ennuyer de toi. Toujours au Cirque Aquatique Magique, à CKRL 89.1, à votre compagnie François Gécouillard, la voix enthousiaste. On va écouter un petit bloc de Voix de Noir, belle voix de Noir. Et on commence avec Smiley Lewis qui va faire Down Yonder We Go Bailing. Down Yonder. Sue and Tom. On va être silencieux devant ça. On ne dira rien, nous. On va laisser aller, là. On va laisser les gens s'exprimer. Parce qu'ils s'expriment. Ils ne s'expriment pas. Ils font de la violence et de l'intimidation. I'm going to Kansas City. Kansas City, here I come. I'm going to Kansas City. Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving there, and I'm gonna get me some. I'm gonna be standing on the corner, 12 sweet and fine. I'm gonna be standing on the corner, 12 sweet and fine. With my Kansas City baby and a bottle of Kansas City wine. Well, I might take a train, I might take a plane, but if I have to walk, I'm going just the same. I'm going to Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving her, and I'm gonna get myself. I'm going to pack my clothes, leave out the crack of dawn. Pack my clothes, leave out the crack of dawn. My old lady will be sleeping and she won't know where I'm going. Cause if I stay with that woman, I know I'm gonna die. Gotta find a brand new baby, and that's the reason why. I'm gonna do Kansas City, Kansas City, here I come. They got a crazy way of loving her, and I'm gonna get me some. They got a crazy way of loving her, and I'm gonna get me some. They got a crazy way of loving her, and I'm gonna get me some. Est-ce que vous ne donnez pas trop d'importance, vous, l'erreur, comme premier ministre, à réagir à un petit groupe comme ça? L'erreur, M. Robitaille, c'est de ne pas réagir. L'erreur, c'est de ne rien dire. L'erreur, c'est de laisser passer. I got such a crazy feeling and I got to find somewhere to go. I got such a crazy feeling and I got to find somewhere to go. I got to find the kind of man who knows just how to love me, don't you know? Don't you know? I beg your pardon, what did you say? Well, yeah, if you're the right kind of man. Man, I don't dig your sounds at all. Cadillacs don't excite me. I got one of my own. And that don't either. Is that all? Well, don't get mad. Just cool down now. Be so quick to give up. It may happen sooner than you think. Well, I don't know. I gotta be home by 2. Is that a promise? That sounds crazy. Well, let's go then. ni vu, ni connu. Oh là là, que c'était bon ce bloc dédié aux belles voix de noir. On a entendu Etta James faire Crazy Feeling. Quelle conversation extraordinaire entre sa voix, elle, et un saxophone. On a aussi entendu Little Willie Littlefield faire Kansas City et Smiley Willis faisait Down Yonder We Go Bailing, qui racontait une histoire de rurale, si je ne m'abuse à écouter les paroles. Etta James, c'était qui cette dame-là qui faisait une espèce de conversation folichonne avec le sax? De son vrai nom, James Etta Hawkins. Une grosse carrière qui s'étend sur 6 décennies. Elle a gagné 6 Grammy Awards et 17 Blues Music Awards. Pourtant, elle a connu des débuts assez modestes, merci. Quand elle est née, sa mère, elle avait 14 ans. Son papa est disparu dans la nature. Elle est tombée dans la drogue dans les années 60. Héroïne. Et finalement, les prix commencent à s'enchaîner dans les années 90. Alors, ça valait la peine de poursuivre. Et elle est morte le 20 janvier 2012 d'un cancer fulgurant. Et on va continuer cette émission du Cirque Aquatique Magique avec de la musique d'un album vraiment curieux. C'est un album en fait dédié au Biafra. Et c'est un disque, vous connaissez le Biafra peut-être, c'est un petit état qui a existé pendant un état africain. Et on va y revenir plus tard, mais on commence avec une pièce qui s'appelle Ukaridem, qui signifie apparemment indépendance, des Canaan Brothers. Ibani bake kaipe, Sitalidem Salomon, Salomon Timon Badeyen, Kuradeyen Yo, Kuradeyen Yo, Kuradeyen Yo, Kuradeyen Yo, come down your duemeyen, Kuradeyen Yo, Kuradeyen Yo, Kuradeyen Yo, come down your duemeyen. No, au contraire. I'll say that again. No, au contraire. Rare. Back of the throat. Rare. Okay. Toujours à vaincu, il saura faner vos fesses comme il a ridé mon cul. Yo, Nana Juanca, Omo genge biafra gaya buogo Nigeria gaya jikwayo neluwanka chineke nazo umuya zobano biafra Nigeria gaya jikwayo neluwanka chineke nazo umuya zobano biafra Un petit bloc de musique étrange. Deux pièces tirées de l'album de propagande du Biafra. Notamment la pièce Chukwu Zoba Anwi, qui signifie en fait Dieu sauve-nous, interprétée par Abraham Onyenobia. On a aussi entendu le Samsak Band faire Miao Miao. Ça, c'est une pièce de l'Asie. Je ne me souviens plus exactement du pays précis, là, mais c'est de l'Asie. Et on a entendu toujours de l'album de musique Biafran, les frères Canaan avec Ukaridem, qui signifie indépendance. Bon, ceux qui connaissent un peu le cirque aquatique magique savent qu'on aime ici beaucoup la musique politique. Et ça, c'est vraiment un album de propagande politique. C'est un album qui a été fait par le Biafra pour dire au monde que le Biafra était né. Et c'était dédié spécialement à l'Angleterre. Le Biafra, c'est un État qui a existé très brièvement, pendant 3 ans exactement. C'est né d'une scission au Niger entre 1967 et 1970. Et là, il y a eu des pogroms, il y a eu du lynchage, des massacres, famine, etc. C'était vraiment un succès épouvantable. Et évidemment, ça l'a foiré. On appelle ça un fail. Que dire de plus sur ces chansons qu'on a entendues? Le Biafra a été reconnu diplomatiquement par 5 pays. Le Gabon, l'Ivoire, la Tanzanie, la Zambie et l'Haïti. Et il a aussi reçu du support, faut le souligner, du Portugal, de la France, de la Chine, de l'Afrique du Sud et d'Israël. Et voilà, c'était cela pour le Nid et le Biafra. Vous coucherez moins niaiseux ce soir. C'est ça un peu le concept de cette émission-là aussi. Solid cheese would melt, smooth and resolve itself into McDonald's special blend. Oh, that Mr. Wetson and Nut Fix is telling me to try. Oh, never, chock full of nuts. A tasteless, stale, and cheap seem to be all the uses of a hamburger. Cheese on! Ah, cheese. 'Tis an unclean kitchen that grows to have the title. things naked and channelless in nature from their being, that it should come from this, not two slices of bay, not so much, not two. So excellent the cheeseburger that was this Hobie Food Joseph's. So loving to my mouth that it not became the secret sauce of McDonald's, isn't the role too roughly. Pickles and ketchup, must I remember? Why, Big Mac would hang on Wetson's and the increase of appetite had grown by what it fed on. And yet, without a slice, let me not think on. Joseph, thy name is Hamburger. A little slice. Or have these onions rolled with which followed the cheeseburger to my mouth. Like Ronald or barbecue. Why he, even he. Oh, Nathan, a beast that wants buds of taste would have fought longer. Eden of the hamburger Big Mac, but no more like a Big W than natives to horned artists. Not a slice, the salt of the most unrighteous hamburger had left the bitter in my poison buds they ate. Oh, most wicked grease, to create with such dexterity the most incestuous of burgers. It has not, nor it cannot come to good, but churn my stomach, for I must seal my mouth. Mais je suis juste tanné d'entendre. Ouais, là, moi aussi, j'étais carré. Là, nous autres, on est tanné que le monde décide de quoi de l'argent, puis là, l'argent, puis m'amener le pétrole, puis là, le pétrole, puis là, les banques, puis là, les taux d'intérêt. Un long grognement disloqué. Un long grognement intellectuel disloqué. 1, 2, 3, 4, it's cold down here, so sit on the floor. 1, 2, 10, out of Valley Forge, and breathe the cold, but I'll smoke your sense. Bologna, bologna, go. Bologna, praise your words, praise the tune. All that joy can't cure this too much. Bologna, bologna, go. On ukulele, daily, he was from Delonga. Dancing and prancing, they'd holler and hop, mama. Praise your words, praise the tune. All that joy can't cure this too much. Bologna, bologna, go. Je vous laisse là-dessus. C'était le Cirque Aquatique Magique. Pour écouter cette émission, jeunefou.blogspot.com ou aller sur ckrl.qc.ca. Sinon, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Yeah.